couleurs locales. 30 minutes pour découvrir les artistes de votre région. Vous écoutez Couleurs locales, vous êtes sur Fudget à Nancy au 94.2 et sur Fudget.net pour votre demi-heure avec les artistes de la région, de la grande région. Et parfois, on va un peu plus loin. Pierre au micro, toujours pour cette nouvelle saison de découverte éclectique pour votre âme et vos oreilles. Vous allez passer un bon moment. Et si, comme moi, vous appréciez les animaux marins, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, on reçoit une pieuvre. On reçoit une pieuvre au look atypique qui fait de l'électro décalé. Elle aime la bonne bière. Et ça, je pense qu'on est beaucoup à l'aimer, évidemment, à consommer avec modération. Mais bon, sentez quand même si c'est l'heure de l'apéro. On est avec Decaps. Salut, salut. Salut à tous. J'ai beaucoup aimé ton introduction. C'est une belle introduction. Attention. Alors, tu nous viens incognito. C'est ça. On ne saura pas qui tu es. Jamais. Jamais, mais on va écouter ce que tu fais, un look atypique et des musiques délirantes. Tu es un ovni dans la musique francophone, excepté sur ton identité. Tu es sans filtre, tu aimes quand les gens sont heureux, mais tu adores par-dessus tout la bière et la musique. Et puis sortir des albums, dont Octopus Volume 1, qui est sorti en 2022 et qui nous vient tout droit du fin fond des mers en guise de carte de visite. Mais qu'est-ce que c'est beau! Vraiment très beau, mais il faut écouter. Moi, j'adore les dossiers de presse. En plus, le mien, il est assez simple. Parce que j'ai remarqué que quand tu mets beaucoup de choses après, la personne qui t'interroge, elle a moins de travail à faire, c'est moins drôle. C'est vrai, c'est vrai. Et je te fais travailler un petit peu. Il faut travailler, hein, le journalisme, c'est ça. 94.2 FM à Nancy, Fudget.net, un podcast. Si vous avez raté les deux premières minutes d'émission et que vous avez raté la belle intro, ce sera sur Spotify for Podcaster. Pierre Merciol, Fudget, et sur Fudget.net, on écoutera trois titres de ton album, qui en compose pas mal, je crois, 12. 13. Ça doit être ça, ouais. Ça doit être quelque chose comme ça. Tu présentais ta musique tout à l'heure à la directrice de notre radio qu'on embrasse en disant que c'est une musique électro-décalée. Alors, on va pas s'arrêter sur le terme électro, mais je veux bien m'arrêter sur le terme décalé, du coup. Bah, décalé parce que si je marche dans la rue et que je vois un pigeon, eh ben, je vais faire un morceau sur ça. Ah voilà. Ouais. Si quelqu'un va chez le coiffeur et qui râle parce que sa coupe est loupée, je vais faire un morceau sur ça. Et je mets beaucoup de temps à écrire mes textes. Parfois, les refrains, c'est un mot que je répète. Donc, ça me prend du temps à écrire. Et là, t'as fait une rime avec une élocution. On aurait dit un rap improvisé. Ouais. Est-ce que c'est ça, l'âme d'artiste? C'est ça. Hein. Bah, ça vient comme ça. Après, on dit souvent que je fais du rap sur mes instrus. C'est vrai qu'il y a, en termes de diction, il y a un côté un peu rappé. C'est ton identité, peut-être qu'on n'a pas besoin de mettre d'étiquette. C'est ça. Après, tu verras, il y a un peu de tout. Il y a des musiques un peu rap. Un trap. Peu rap. Quand tu écouteras trop de code, c'est pas ma préférée, mais ça se rapproche plus de l'univers rap. Et tu l'as fait. Cet album est sorti. Alors, je vais te poser la question qu'on pose tout le temps, mais où est-ce qu'on peut le trouver? Sur YouTube. Vu que je démarre dans la musique depuis 2022 et que l'album s'est fait très très vite... Eh bien, mon manager m'a dit, on va le mettre sur YouTube, c'est la stratégie. Moi, je suis la stratégie du manager. C'est la stratégie du manager. Tiens, c'est étrange, même pas Deezer, Spotify, non, vraiment juste YouTube. Ouais. Pourtant, une pieuvre a plusieurs tentacules à son arc. C'est ça, mais ça va arriver. Déjà, là, il y aura un deuxième volume dans le même état d'esprit, et après, on attaque les choses sérieusement. Alors... C'est marrant parce que dans l'émission de la semaine dernière, les invités que j'ai reçus et que j'embrasse encore ont fait un volume 1. Mais quand je leur ai posé la question « Y aura-t-il un volume 2 ?», ils m'ont dit non. Et moi, je trouve que c'est mentir. Non. On ne fait pas un volume 1 sans vouloir faire un volume 2. Tu peux très bien faire même un volume 4. Un volume tout 4, de suite. Tout de suite, directement. Ouais. On ne sait pas où sont passés les autres. Mais moi, j'ai envie de te dire que j'étais assez triste quand j'ai entendu ça, car j'attendais le volume 2 et j'avais envie qu'il se sente coupable. Coupable, belle transition, j'adore. En parlant de Spotify, s'il y a un titre, un single quand même qui est sorti, Fit Michel Hubert, Trop de bruit. Trop de bruit. avec un clip sur YouTube. C'est ça. Alors, Coupable, c'est le premier titre qu'on va écouter. Je vais te poser la question suivante, c'est de quoi parle ce morceau ? Alors souvent, quand je pose cette question, j'ai deux réponses. La première, c'est bah, « Les auditeurs, ils ont qu'à écouter, hein, je vais le dire, hein, c'est quoi cette question ?» Alors du coup, tu vois, je rentre chez moi, vraiment, je suis pas bien, quoi. Enfin, je remets toute ma vie en cause. Et puis sinon, l'artiste sympa que je reçois dans Couleur Locale, il nous fait un petit teaser, un petit teasing. Bah, c'est une musique qui m'a pris beaucoup de temps à écrire, très recherchée. Je répète le mot coupable beaucoup de fois. Et en fait, ce qui a été dur à faire, c'est surtout le mixage. L'ingé son s'est arraché les cheveux de la tête. Et ça parle un peu de politique. Mais on n'est pas là pour faire de la politique. Mais si ça en parle. Surtout pas moi. Mais si ça en parle, c'est que c'est le projet, finalement. Donc c'est pas grave. Ouais. Mais après, il y a le refrain, explique bien. Ok. Très bien. Eh bien, on va faire. Pas de politique en faisant un petit chouïa avec des caps électro, j'allais dire éclaté. On peut le dire. Ça me plaît bien. D'ailleurs, je crois que je vais faire un morceau qui s'appelle comme ça. Merci pour l'idée. Eh bien, il n'y a pas de souci, je t'enverrai mes honoraires. On écoute. Coupable, issu de l'album Octopus Volume 1, sorti en 2022 sur Fadjet dans Couleur Locale avec des caps. Je suis un poulpe très gentil. J'aime quand les gens sont heureux. J'aime quand les gens sont heureux. François Mitterrand, coupable. François Fillon, coupable. Jean-Luc Mélenchon, coupable. Alain Carignon, coupable. Léon Bertrand sera coupable. Claude Guéant, coupable. Jean-Paul Huchon, coupable. Jack Lang, coupable. Charles Pasqua, coupable. Christiane Taubira, coupable. Jérôme Cahuzac, coupable. Par un sans mentir, aucun de ces sbires m'inspire. Qui est le pire, quand tout empire, aucun de ces sbires m'inspire. Gouverné par des coupables, tous trahis par leurs coupas. Toutes les vestes en pivoté, je ne sais pas pour qui voter. Nicolas Sarkozy, coupable. Bernard Tapie, coupable. Agostini, coupable. Le couple Balkany, coupable. Yamina Benguigui, coupable. Bruno Gollnisch, coupable. Bruno Maigret, coupable. Bruno Sandras, coupable. DSK, coupable. Christine Lagarde, coupable. Ségolène Royal, coupable. Brice Hortefeux, coupable. Pierre Bédier, coupable. François Grosdidier, coupable. Bertrand Delanoë, coupable. Alain Juppé, coupable. Qui est le pire, parle sans mentir, aucun de ces sbires m'inspire. Qui est le pire, quand tout empire, aucun de ces sbires m'inspire. Gouverné par des coupables, tous trahis par leurs coupas. Les vestes en pivoté, je ne sais pas pour qui voter. Michel Roussin, coupable. Christian Bourquin, coupable. Didier Schuller, coupable. Christophe Castaner, coupable. Michel Gilibert, coupable. Michel Mouillot, coupable. Jean-Marc Ayrault, coupable. Gaston Flosse, coupable. Qui est le pire, parle sans mentir, aucun de ces sbires m'inspire. Qui est le pire, quand tout empire, aucun de ces sbires m'inspire. Gouverné par des coupables, tous trahis par leurs coupas. Toutes les vestes en pivoté, je ne sais pas pour qui voter. Coupable de Décaps sur Fadjet dans Couleur Locale, c'est issu de Octopus Volume 1, un album sorti en 2022 avec notre ami La Pieuvre au texte. Et puis tu parlais de ton ingé son qui s'est arraché les cheveux pour faire le mixage de ce morceau. Mais pourquoi donc ? Ah, déjà, je vais le saluer, c'est Habit Ball. On le salue. Il a le studio le plus classe du monde. Et au fait, parce que. Il y a tous les petites voix, tu vois les petites voix. Oui. C'est pas moi qui les ai faites. Il était les chercher dans des films, sur YouTube et tout ça. Mais ça se et fait beaucoup ce genre de truc dans le rap. Il a notamment. Dû tout découper. Il a dû tout découper. La vache. Ah bah, on le salue, Habit Ball. Habit Ball. C'est un vrai prénom, c'est. Je ne sais pas. Il s'est présenté comme ça à moi. Il s'est présenté je comme je ça. Ne sais pas. Tu es arrivé avec tes tentacules de pieuvre. Tout à fait. Et lui, il est arrivé avec, avec ses sons de beatball. Tout à fait. Des fois, on ne sait pas trop quoi dire. Non. Mais on le dit quand même. Au 94.2 FM à Nancy et sur fadjet.net. Donc, tu écris tes propres textes. Est-ce que tu as des idées, des fois, sur la musique, des orientations à donner à ton ingé son? Ou c'est pas vraiment ton truc? C'est pas, en fait, c'est instinctif. Comme je te disais tout à l'heure, je me balade dans la rue, il y a un truc qui arrive et j'en fais un morceau tout de suite. C'est comme ça que ça vient, l'aspiration ou quelque chose qui va m'énerver. L'autre fois, j'étais au magasin, j'avais oublié le code de ma carte bleue. Et puis après, je suis rentré chez moi, j'ai oublié le code du portail. Et puis le code de l'interphone, j'étais coincé dehors. Ça m'a énervé, du coup j'en ai fait une chanson. Ça fait beaucoup de codes oubliés dans la même journée. Ah oui, il y a trop de codes dans la vie. Mais est-ce que tu mixes avant, c'est toi qui produis ces morceaux, enfin la musique? Des maquettes des fois, oui. Ouais. Ou des fois je vais montrer une musique que j'aime bien et je vais dire je veux cet effet parce que je connais pas les termes techniques. C'est l'ingé son qui gère tout, vraiment des fois même je pose un mot. Je viens, je dis coupable et il me fait un morceau. Un génie. C'est un génie parce que du coup, il part du thème, il part du mot et là, il a une inspiration musicale qui lui vient. C'est ça. Donc en fait, toi, c'est la situation qui t'impose un thème et lui, c'est ton thème qui lui impose une musique. Ouais. Est-ce que c'est pas un bon travail en synergie, ça? Ah, tout à fait. Il faut une connexion. Une connexion particulière. On s'entend très bien. Quand on déjeune ensemble, on n'a même pas besoin de parler. Des fois, un regard suffit. Et il sait faire en sorte que les gens se sentent intéressés ou captivés par le message. Alors nous, on est intéressés, on est captivés. Donc on sait que ton album Octopus Volume 1, il est sur YouTube. Mais si on veut te suivre, te rejoindre, devenir des fans de la pieuvre des Caps, on peut te trouver où? Alors sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Mais je crois j'ai 20 personnes qui me suivent sur Facebook. Tu en as 21 depuis aujourd'hui. 21, excuse-moi. Et je suis un peu plus actif sur Instagram. Et là, tout doucement, on va construire un site avec un magasin dessus, etc. etc. Il y a du merch aussi. Il va y avoir du merch. Ouais. Il y aura des cagoules, des t-shirts, des gants et bien sûr des CD. Et il y a intérêt à ce que ça vienne vite puisque le froid s'installe. Vincent, si tu m'entends, il faut aller vite. Il faut aller, c'est Vincent. Vincent Bosman, le manager. Vincent Bosman s'occupe de tout ça. C'est, en fait, c'est lui qui fait le plus dur dans ce groupe. Moi, je fais pas grand-chose au final. Je pose un mot. Alors, tu parlais de CD. Est-ce qu'on peut les avoir aussi maintenant? Tout à fait. En fait, c'est lors des festivals, des concerts. Mais à savoir que c'est difficile de venir parce que nous, on fait la promo que le jour même. C'est la surprise. Donc c'est soit tu fais rien et tu viens, et soit t'as pas de chance. Je suis assez surpris parce que t'as une nonchalance à m'expliquer que finalement ce projet-là, c'est un peu à l'arrache. Bah ouais. En fait, c'est l'équipe qui fait le boulot, moi je fais pas grand-chose. Moi ce que j'aime dans la vie, c'est boire de la bière, faire un peu de musique, un peu frimer sur les instrus, écouter des instrus et puis suivre un peu le Red Star. Suivre le Red Star? Alors, je ne connais pas cette expression. C'est une équipe de foot. Ah. Le Red Star, Saint-Ouen, sur scène. Le Red Star, Saint-Ouen. Donc, c'est là où je vois mon manque de culture quand même regrettable en sport. Ah, bah ça veut dire que j'ai un peu de culture, alors. Ça veut dire que tu as un peu de culture. Il faut avoir de la culture. Tu parlais du pigeon qu'on croise et qui t'inspire une chanson. Tu parlais des codes qu'on oublie et ça t'inspire. Et moi, j'aurais un petit jeu à te proposer en fin d'émission. Oui. Justement pour savoir ce qui t'inspirerait le plus l'écriture d'une musique. Mais avant ça, j'ai envie de savoir ce qui t'inspire tout court. Est-ce que la pieuvre des Caps a des références à nous donner? Des artistes, des groupes? Oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, ben déjà, Michel Hubert, l'artiste avec qui j'ai collaboré. Pour le titre Trop de bruit. Trop de bruit. Le sang vert, d'électro aussi, j'adore. Roland Cristal, le fameux Helmut Fritz, très connu. Malheureusement, il n'est plus actif sous ce nom-là. J'adore Philippe Catherine dans un autre registre. Voilà. C'est tout ce qui me vient à l'esprit pour le moment, mais bien sûr, il y en a des millions des artistes que j'aime. C'est assez varié, ça donne un univers. On disait quoi ? Électro, j'ai dit quoi ? Éclaté. C'était pas ce que je voulais dire, mais ouais. Électro-éclaté. Et tu as dit que ça t'inspirerait une chanson. Tout à fait. Alors, moi, il y a quelque chose quand même qui m'inspirerait, tu sais, aujourd'hui. C'est quand je me balade dans les rues de Nancy, puisqu'on a une radio nancéienne, que j'aime ma ville. J'aime ma ville et parfois j'ai envie de crier et j'ai crié. Et ça m'est arrivé de crier. Quand je vois à quel point les rues sont crado. Et encore une belle transition. Et ben, c'est comme ça que ça m'est venu, cette aspiration. Tu as compris des caps. Qui est des caps. Tu es rentré dans ma tête. Je suis rentré dans ta tête et je n'en sortirai pas. Une personnalité de plus dans ma tête. Une tentacule de plus. Des caps, Octopus volume 1, album sorti en 2022. Fadjet, couleur locale, déjà 15 minutes d'émission. Le temps file au 94.2 Fadjet.net, pardon. Le podcast sera sur Spotify for Podcaster. Pierre Merciel, Fadjet dimanche. N'hésitez pas à aimer la page Facebook Fadjet-6 couleur locale. Je ne suis pas sur Instagram, moi non. Mon cher Decaps, voilà, chacun son truc. Toi, c'est la radio et c'est très très bien aussi. Et c'est très très bien aussi. Et puis maintenant, on va pousser un coup de gueule contre la saleté avec le titre Crado sur Fadjet dans couleur locale. Les négos, le McDo, c'est crado. Les ados, les marmots, c'est crado. Les scatos, la gastro, c'est crado. Les poivrons, leurs poireaux, c'est crado. Les mégots, le McDo, les packdos, le papier cadeau, les crottes de cabot. J'ai même vu des lavabos. Les ragots, les labos, les scatos, la gastro, les poivrons, leurs poireaux. C'est un fiasco, c'est crado. Par terre, les masques, les mouchoirs par terre, c'est trop le foutoir par terre, mais qui respecte la terre. Tous ces emballages par terre, les masques, les mouchoirs par terre, c'est trop le foutoir par terre, mais qui respecte la terre. Crado, pas classe, crado, pas classe, crado, pas classe, crado, pas classe, sale, dégueulasse, sale, dégueulasse, sale, dégueulasse, sale, dégueulasse, dégueulasse. Dégueulasse, dégueulasse, dégueulasse, classe, dégueulasse, classe, dégueulasse, classe, classe, classe, classe, classe, classe, classe, classe, classe, classe, classe, classe, classe. Les chafauds, les fachos, les machos, les marmots, les moineaux, les oiseaux clichés sur le capot, les cachots, les chicots, les charlots, les chameaux, les cachalots, les mécanos, les génicaux. C'est un fiasco, c'est crado. Les mégots, le McDo, les packdos, les papiers cadeaux, les crottes de cabot, les scatos, la gastro. Crado, pas classe. Crado, pas classe, crado, pas classe, crado, pas classe, sale, dégueulasse, sale, dégueulasse, sale, dégueulasse, dégueulasse, dégueulasse, dégueulasse, dégueulasse, classe, dégueulasse. Dégueulasse, sale, dégueulasse, sale, dégueulasse, sale, dégueulasse. Vous êtes tous une bande de dégueulasses, bande de crado, bande de crado. Respectez la terre. Crado avec des caps sur Fadjet dans couleur locale au 94.2 FM à Nancy et sur Fadjet.net. Pierre au micro pour une nouvelle saison qui a démarré sur les chapeaux de roue et qui continuera en ce mois d'octobre automnal où les feuilles tombent sur le sol et où on se met déjà à rêver aux fêtes de Noël. Est-ce que la pieuvre fête Noël ? Tout à fait. Tout et à chaque fait. Année, je reçois de la bière en cadeau. On rappelle que l'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération. J'en étais sûr que j'allais avoir des difficultés avec toi, mon cher Dick. Non, t'es très bon. Sur ce sujet-là. Je t'ai raconté une bonne anecdote en off tout à l'heure. Une très très belle anecdote de changement de voix et d'émission qui ne sera pas diffusée. Mais c'est je ça. Te rassure, la nôtre le sera. Il n'y aura rien à jeter. Est-ce que ça va toujours ? Toujours, toujours. Octopus volume 1 sorti sur YouTube début 2022. Tu disais qu'il y aurait un volume 2. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Est-ce qu'il est en cours d'élaboration déjà ? Est-ce qu'il y a des titres, des idées, des thèmes ? En fait, là, c'est à Beatball, là. Je ne sais pas ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait, Beatball ? Il y a 20 titres. Ah ouais, ouais. 20 déjà. Enfin, 20 mots. J'ai posé 20 mots. Et à lui de faire le travail maintenant. Je ne sais pas ce qu'il fait. Et il y aura pas mal d'invités, dont un bébé poulpe. Vous verrez, une personne qui a 2 ans qui chante. C'est extraordinaire ce qu'on peut faire. À base de boum, boum, boum. Oh là et là puis, là il y aura le retour de Calypso, peut-être. J'aimerais. Fait partie d'un groupe, au fait. Je ne sais pas. Mais sur scène, des fois, vous pouvez les retrouver. C'est un peu un collectif, finalement. Un collectif. Mais je suis le seul en lumière. Donc, souvent, on pense que je suis seul. Mais il y a des personnes tapies dans l'ombre. Tout à fait. Du fond de la scène. Oh oui. Et il faut toujours des personnes dans un projet musical qui soient un peu dans l'ombre pour mettre les projets dans la lumière. Alors je sais que tu disais que tout était un peu dit au dernier moment, mais est-ce qu'on aura l'occasion quand même sur tes réseaux de suivre l'actualité des prochains concerts ? Est-ce qu'on veut te voir ? Bah, vous allez me voir, mais au dernier moment. Mais des fois, les festivals font de la pub un mois avant, donc vous pouvez, si vous connaissez le festival, vous savez que je suis là. Ou des fois, je suis même sur l'affiche, mais sous un autre nom, et je débarque avec mon masque. Donc, c'est la surprise. Moi, j'ai les poils, hein, là, qui s'irissent quand même. Hein. Hérissons. Un deuxième thème. Franchement, tu vas devenir manager aussi. Manager, coproducteur. En parlant de thématique, avant de conclure cette interview, je te l'ai dit, avant qu'on écoute Crado, que j'allais te faire jouer. Eh bien, je vais te faire jouer. Je vais te donner 2 situations et tu vas me dire laquelle t'inspirerait le plus, une chanson ou une musique. Es-tu prêt, des caps ? Toujours. Toujours. Première situation, tu es dans le train. Tu rentres de concert. Un concert qui a été annoncé 2 heures avant. Et puis, tu poses tes tentacules. Tu regardes par la fenêtre et tu vois le soleil qui se couche, un avion qui discrètement transperce les nuages. Tes sens sont éveillés par l'odeur du café que boit la personne derrière toi, par le cliquetis des roues du train, si les trains avaient des roues. Sur le rail, peut-être un bébé qui pleure au fond du wagon, et c'est chiant, les bébés qui pleurent au fond du wagon. Et ça t'inspire un mot, une chanson, peut-être que c'est soleil, bébé, pleurer, chiant. Café, cliquetis. Tu sors ton plus beau téléphone, ton plus beau calepin et tu commences à noter. 2e situation. Tu te réveilles en pleine nuit. Tu es dans ton lit ou peut-être dans le lit de quelqu'un d'autre, ça. L'histoire ne le dit pas et cela ne nous regarde pas. Il est 3h du matin et si tu es amoureux de la signification des réveils nocturnes, tu sauras peut-être que ce n'est pas une heure au hasard. Tu te réveilles et tu as ce sentiment étrange que quelque chose s'est passé, car il y a eu ce rêve. Et dans ce rêve, je ne sais pas, c'est ton jardin secret, il y a eu quelque chose, un mot, un thème, une histoire qui peut-être n'a aucun sens, une mélodie. Mais tu sais aussi que les rêves ont tendance à s'évaporer dans les premières minutes suivant le réveil. Et tu ne veux pas que cela s'évapore, car tu as l'inspiration. Alors tu prends ton téléphone, tu prends un dictaphone, peut-être que tu reprends ce que tu as entendu. Mais tu ne laisseras pas passer cette opportunité d'écrire le prochain hit de Octopus, Volume 2. Alors, plutôt train soleil couchant, plutôt réveil nocturne, plutôt les deux, aucun des deux. Ah, les deux. En fait, la première histoire, ça m'a fait penser à Ça va savoir. Je sais pas si tu connais l'émission. Je connais l'émission, effectivement. Eh ben voilà. Des c'est fois peut-être on vit, la façon de le dire. Peut-être. Des fois on vit, des fois on meurt. Des fois il se passe des choses. Voilà. Tu as pris un peu le move, un peu le flow. Ça m'a inspiré ça. Donc je pourrais faire une chanson, ça va savoir. Ou sur le refrain, on entendrait au moins 8 fois, ça va savoir. Et puis je trouverais des petites idées de choses bêtes que les gens ne savent pas. À caler entre. Et puis la deuxième, en fait, j'ai juste bloqué sur un mot. Évaporation, je crois. Oui. Ça me fait penser qu'il faut toujours boire sa bière assez vite avant qu'elle s'évapore. Donc peut-être une musique sur la bière. Peut-être une musique sur la bière, puisque a priori, c'est la gimmick de tes caps à consommer avec modération, évidemment. Oui. Remobilisons-nous, s'il vous plaît, pour la fin de cette émission. C'était Decaps, merci pour ce beau moment sur Fadjet dans Couleur Locale. Merci à toi. Eh bien, de rien, au 94.2 annoncé sur Fadjet.net. On rappelle Octopus Volume 1 sur YouTube. Tu es sur Facebook et Instagram. On partagera évidemment les liens. Pour les concerts, eh bien, ce sera à la Zob. Chers amis, chers auditeurs, on verra. Je crois que je vais virer Vincent Bosman et puis tu vas rejoindre le crew. Et je vais rejoindre le crew. Ce que j'ai apprécié particulièrement avec cette émission et ce que j'adore quand je reçois des artistes locaux, chers amis, fidèles auditeurs, c'est déjà de vous faire découvrir que eh bien il y a de la richesse dans notre scène locale, mais il y en a dans toutes les scènes locales ailleurs et même dans les fonds marins avec des caps. Et puis aussi c'est qu'on passe des bons moments. Parce que les gens, ils ont le sourire, la banane, ils sont là pour présenter leur projet. Et ces gens-là, eh bien, ils sont rarement mal polis. Oh. Et ça, c'est bien. Il est bon. Il est bon. Mais tu me fais des compliments. J'ai l'impression d'être intelligent, d'avoir de la culture. Est-ce que tu penses que je pourrais passer à la télé et gagner beaucoup d'argent en répondant à des questions de culture? Moi, je pense, ouais. Effectivement. On va contacter Julien Lepers. Je pensais à lui. Il est même plus là. Non. On va contacter tous ces gens-là. Les gens sont mal polis. Je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'expliquer ce que tu voulais dire en écrivant ce texte. Non, mais je fais partie de ces gens. Ah, c'est une réponse intéressante. Est-ce qu'on ne se balancerait pas ça pour clôturer cette émission? Tout à fait. Eh bien, on y va. Les gens sont mal polis. Issus d'Octopus Volume 1, on était avec des caps. Merci à toi. Merci Nancy. Merci Nancy. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Couleur Locale avec Pierre en micro, le podcast dimanche sur Spotify for Podcasters. À très vite. Alors espèce de connard, faut faire attention non? Mais où tu te crois connard? C'est conduire ou quoi? Pauvre con! Pardon monsieur, je suis désolé. Connard! J'étais en train de discuter. Mais tu te crois où, pauvre con? J'ai un tout petit peu touché à votre rétroviseur. Connard! Les gens sont mal polis, oublient ce qu'ils ont promis. Ma police d'écriture est en polychromie. Je vois des fleurs jolies. Dites-moi pourquoi les gens sont mal polis.